Le 13 avril, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié une déclaration qui dit « Les conservateurs sud-coréens dénaturent l'opinion publique comme si notre République est impliquée dans la lutte à la bougie de divers milieux qui a causé la destitution et la détention de Bakounine. C'est une campagne habituelle contre les soi-disant forces serviles à l'égard du Nord. Inventer un complot qui met en cause notre République à chaque crise de gouvernement et essayer de trouver une issue, voilà la manière invétérée des conservateurs sud-coréens. Face à cette situation grave, nous précisons l'attitude suivante. 1. Le sort misérable de Bakounine est dû aux conservateurs d'extrême droite qui l'ont placé à la Maison Bleue en rêvant de la résurrection de la dictature rénovée. Il y a 4 ans, la bande des conservateurs avait prétendu absurdement que l'élection de Bakounine, fille du dictateur rénové, produirait un nouveau miracle du fleuve Han et relancerait l'économie à l'époque du bonheur des citoyens. Ainsi, par le regret envers Park Chung-hee, elle a trompé l'opinion publique et par la frauderie, elle a fini par placer Bakounine au poste présidentiel. Sans manquer l'occasion, Bakounine a présenté la réhabilitation de Park Chung-hee comme la tâche primordiale des affaires d'État pour ensuite embellir la dictature rénovée, transformer la Corée du Sud en enfer des vivants par la répression fasciste et la politique antipopulaire, et déshonorer les compatriotes par la soumission aux forces étrangères et la servilité à l'égard des grandes puissances. La mère des bougies a été l'explosion de l'indignation de la population, tandis que la destitution et la détention de Bakounine sont la punition donnée par les masses populaires sensibilisées. 2. Bakounine connaît le sort misérable parce qu'elle est devenue présidente sans la compétence politique, le comportement élémentaire et la faculté de penser de l'être humain. Elle a su recourir au diktat et à l'arbitraire en prenant le pouvoir présidentiel comme moyen de satisfaire ses intérêts et d'acquérir la fortune, mais c'est une profane en politique qui ne sait pas comment honorer le peuple, être le plus précieux dans le monde, et une ignorante qui a été contrôlée par une sibylle novice sans pouvoir comprendre même un test de discours écrit par autrui. 3. Bakounine est destituée et emprisonnée du fait de ses forfaits. Marionnette d'une sibylle novice et de ses pareils, elle s'est acharnée à la confrontation avec les compatriotes. Pour être manipulée par ses valets, sans son propre opinion ni faculté perceptive élémentaire, Bakounine est jetée dans la prison et elle mérite ce déshonneur. Voilà l'estimation de l'intérieur et de l'extérieur. 4. Si les fantoches sud-coréens n'arrivent pas à regarder en face la situation et recourent témérairement à la campagne contre les soi-disant forces serviles à l'égard du Nord, les rapports Nord-Sud ne seront jamais améliorés et le jour de la réunification sera plus éloigné. La campagne des conservateurs est la tentative désespérée pour maintenir à tout prix la politique de confrontation déjà échouée de Bakounine pour empêcher l'amélioration des rapports intercoréens et la réunification. Le jugement donné par l'histoire à la bande des traîtres à la nation et au peuple est complètement juste. Cette bande ne trouvera aucune issue pour éviter la ruine.